Thalys, je prends pas assez de train. C'est le théorème de Thalys. C'est ça. Dites, vous me connaissez oui. Sexuellement, je me réserve pour le mariage. Le deuxième je me réserve pour le mariage. J'ai eu une expérience sexuelle dans ma vie en 92 chez les scouts avec écureuil taquin. C'est comme ça que vous appelez à l'époque, Lila, je me rappelle. Oui. Mais bon, depuis, j'attends patiemment l'âme sœur. Je crois que c'est l'abbé Pierre qui disait « Moi, de toute façon, tant que je trouve pas la bonne meuf, je continuerai à faire semblant d'aider les clodos. » Et ça parle à mon cœur. Franchement, je préfère rester célibataire, ça me convient. Je dors avec mon ficus. La plupart du temps, il se passe rien. Zéro ambiguïté, c'est un pudique qui dort avec son cache-pot. Eh ben, mais c'est vrai, à terme, j'aimerais bien partager mes nuits avec quelqu'un qui est moins dans la photosynthèse. Mais c'est vrai. Mais à ce propos, début de semaine, je me disais « Ernesto, fils d'un styliste et d'un mannequin chaussure, oui, tu cherches l'amour. » Mais est-ce que tu pourrais sortir avec une complotiste? Vraie question. C'est une vraie question. D'autant qu'en ce moment, il y a plus ou moins la moitié de la France qui croit que le Covid a été créé en Turquie pour tuer Charles Aznavour à cause de son tube La Mama, qui était quand même bien chiant. Et ça, c'est vrai. Et les probabilités sont là. Donc imagine un jour, voilà, je tombe sur la femme de mes rêves. Quelqu'un qui a au moins genre 44 des 63 qualités que j'attends chez une partenaire, notamment qu'il ait un tatouage Didier Deschamps, ennemi du football, sur le thorax. Ça, c'est la base. Sans ça, je donne même pas mon Messenger. Ça, c'est la base. Mais je suis pas difficile. Est-ce que je suis difficile? Non, je suis pas difficile. D'une femme, je demande juste qu'elle connaisse pas plus de 3 chansons du groupe Tragédie, qu'elle soit à l'aise avec la peinture acrylique, et surtout, et là j'insiste, sinon c'est un no-go, il faut qu'elle soit très claire sur ses préférences en termes de style de pâte à pizza. Il y a pas de napolitaine, romaine, je sais pas, mon cœur balance, j'aime bien les deux. Non, si c'est pas napolitaine, tu dégages, mets une main courante directement. Mais bon, à part ça, sentimentalement, je veux un truc spontané. On se rencontre, tu me plais, je te plais, tu fais ton petit test PCR et c'est parti quoi. En plus, mon questionnaire, c'est que des QCM. Enfin, je veux dire, c'est facile à faire. Donc en bref, c'est vrai, j'imagine. Imagine, je rencontre la femme de mes rêves, tout se passe bien, on fait l'amour debout comme Laurent vous le dit, mais au moment où je me dis ça y est, c'est la femme parfaite, je tente tout bêtement un cunnilingus avec mon FFP2 et là je me rends compte qu'elle est anti-masque. Je pourrais pas. Tout ça pour en arriver là. Franchement, cette blague sur le cunnilingus avec le masque, c'était l'objet de cette chronique. C'est mal écrit en plus, tout ça avec l'argent du contribuable. Enfin bon, ceci dit, ça doit être vraiment chaud, non? Vivre au jour le jour avec quelqu'un qui remet systématiquement en cause la version officielle. Imagine, genre, tu perds une chaussette et tu la retrouves en un jour. Et elle te fait ah, bien sûr, comme par hasard. T'as retrouvé ta chaussette en un jour alors que normalement on met un an pour retrouver une chaussette. Va t'en convaincre qu'il a pas un agenda caché, ton séchoir. C'est vrai? Je pourrais pas, d'autant que je bosse pour un média hyper mainstream. France Inter, c'est quand même 400 000 auditeurs en audience cumulée. C'est la 7e radio de France. Tous les jours, elle me ferait invendu. France Inter, c'est dirigé par des reptiles à forme humaine. Je serais là, à Inter, s'il y a des reptiliens, ils sont encore à forme de reptiles. Hein. Je te le dis parfois, tu te balades dans les studios, tu dis un physique de radio, je veux bien, mais vas-y frère, respecte-toi. Hein. Coupe-toi les ongles, rabote ton panari. Mais là, et tout le monde que la chute. Tout le monde pense que la chute, ça va être Daniel Morin. Pas du tout. Bah, ben, on croit que je vais à Mulhouse, je vais à Perpignan. Je suis comme ça, je suis insaisissable. On m'appelait l'insaisissable dans mon camp scout. J'en ai fait courir des moniteurs. Ils voulaient me montrer qu'on pouvait faire l'amour sans rien, juste avec un bâton. Non. Alors, franchement, il y en a qu'une qui a réussi, c'est avec voilà, c'est elle. Mais bon, soit dernier problème avec quelqu'un qui est complotiste, c'est, imagine, elle a raison. Ouais. Genre Bill Gates a vraiment prémédité cette pandémie pour nous contrôler avec la complicité de Jean Castex. Parce que oui, parenthèse, si t'es complotiste, tu dois admettre que dans le complot du Covid, il y a Jean Castex. C'est une question de cohérence. Faut l'imaginer dire à Bill Gates, on va tous les contrôler avec une puce sous-coutanée. Mon ficus il adore quand je fais des accents, ça l'excite de ouf. Mais bon, si on rend jamais nos libertés et que le couvre-feu il est à 14h pour toujours et que je suis bloqué pour toujours avec ma complotiste, il y en a une que je vais regretter, c'est écureuil taquin. Allez, bonne émission. Moi aussi je t'aime.